Galerie Est, non loin de Wish City. Le grand trou. Il brillait d'une lumière étrange, voguant entre le bleu et l'ocre. J'hésitais. J'avais pour seul bagage une corde, un grappin et une gourde d'eau accrochée à la ceinture. Je baignais dans le halo lumineux. J'ai levé la tête. Combien y avait-il de mètres de hauteur? Allais-je réussir à atteindre le haut sans tomber? Si je lâchais prise, c'était la mort qui m'attendait lascivement sur les rochers. Mon regard s'est posé sur un énorme roc à la pointe effilée. Et si mon dos venait l'embrasser après une chute de 10 mètres? Ça valait le coup de risquer sa vie pour quelque chose de différent. Oui, parce que de toute façon, ma vie merdique d'avant allait devenir encore plus merdique. Si je restais ici, c'était pour troquer ma pioche contre un fusil. J'avais encore l'œil de Ratis posé sur moi, encore son œil rouge devant moi lorsque je baissais les paupières. Que pouvais-je faire contre les rats, hein? Contre Ratis. Je ne pensais même pas agir comme un lâche à ce moment. Je fuyais, j'abandonnais mon peuple, mais ce peuple m'avait abandonné bien avant, lui. Il ne s'était pas gêné pour écraser le peu de fierté que j'avais. Moi, juste un creuseur. J'ai fait tournoyer le grappin et je l'ai lancé. Il s'est accroché sur une corniche, un bon mètre en dessous du grand trou. L'ascension allait être longue. Mais au bout, il y avait un autre monde, une vie différente. Un autre Squeak. Non pas Squeak le creuseur, mais juste Squeak. J'ai tiré sur la corde pour vérifier sa bonne tenue. Tu comptes vraiment partir alors? J'ai tourné la tête. Booz était adossé à un tractopelle, tête baissée. Mon ami, Booz. Quitter Wish City. Booz, je sais, je t'ai pas dit au revoir, j'ai pas eu le courage, ok? C'est pas facile pour moi. Ouais, je comprends. Ça a été le même problème pour mon oncle lorsqu'il a dû avouer qu'il était claustrophobe. C'est gênant dans les galeries. Booz a donné un coup de pied dans un caillou. Le caillou est allé s'éclater contre un baraquement. Tu te rends compte? C'est ici que tout a commencé. La galerie Est. Une pauvre galerie abandonnée à cause de ce fichu grand trou dont tout le monde se fout, sauf toi, bien sûr. Personne ne peut même imaginer qu'il existe autre chose que le monde d'ici. Avec d'autres galeries, d'autres trucs, quoi. Mais toi, t'as jamais été content. Jamais été content d'être un balfouiche. Je suis désolé, Booz. Bah, c'est comme quand on nous obligeait de manger des verres à la cantine en nous disant qu'il y avait du fer dedans, en fin de compte. Alors que j'en ai ouvert des verres. J'ai jamais trouvé de quoi faire une vraie pioche digne de ce nom. Je serrai fermement la corde. Une partie de moi voulait rester, par respect pour Booz qui allait défendre Wish City, qui allait se battre contre les rats. Tu peux venir avec moi, on vivra autre chose que cette vie de creuseur. On fera autre chose que frapper la terre avec des pioches. Peut-être même qu'on rencontrera d'autres races intelligentes. Squeak, je suis peut-être gros, stupide, comme tous les autres creuseurs pensent, mais je reste quand même un creuseur, peu importe ce qu'ils pensent de moi. Je reste un bifouiche, quoi que je fasse. Je vais me poser ma main sur la pierre, la sentir vibrer au plus profond d'elle-même. Je suis juste moi. Et Wish City, les pioches, le squeakball, la bière de roche, le bar de spoon, les chantiers, les galeries, tout ça, eh ben ça fait partie de moi. Et tout en parlant, il s'était avancé en me montrant ses grosses mains calleuses. Et si les rats veulent attaquer tout ça, c'est moi aussi qu'ils attaquent. J'ai pas plus envie de me battre que ça. Mais les persévères, ils ont dit qu'on était les trois seuls à pouvoir défendre Wish City. À repousser les rats. Alors moi, je me dis que pour une fois, je pourrais faire quelque chose de bien et que les autres bafouiches me verront comme un héros. Pas seulement comme un gros stupide. T'es pas stupide, Booz. Oui, mais je suis gros. Oui, mais bon, c'est parce que ton cerveau a besoin de graisse pour fonctionner. Je sais que tu veux m'empêcher de partir. Mais c'est comme ça, Booz. Je sais. Il est arrivé à ma hauteur. Alors, au revoir, vieil ami. Squeak! Hein? Squeak! Attendez! Mila traversait le petit conduit menant à la galerie Est. Elle mit un pied sur le gravat, bouchant l'entrée de la galerie, et glissa pour retomber sur les fesses quelques centimètres plus bas. Aïe! Mila, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle s'est relevée et s'est élancée vers nous. Squeak! Booz! Oh! J'ai bien cru que j'allais arriver trop tard! J'ai quitté le palais, je suis tombée du grand mur d'enceinte, sur les fesses, ça fait mal. J'ai couru jusqu'au chariot libre. Je suis tombée là, sur les genoux. Ça fait mal aussi. Et puis ensuite, vous devinerez jamais quoi. J'ai réussi à conduire un chariot toute seule pour venir jusqu'ici. Et c'était tellement bon. Je vous dérange pas? Non, c'est juste des adieux larmoyants, mais bon. Des adieux? C'est pas le moment de faire des adieux, je... Ouh. Je t'ai pas tout dit pour te convaincre de rester. Non, Mila, c'est pas la peine, mon choix est déjà non, fait. Non, chut, on se tait, on ferme son clapet et on écoute la fille du grand dirigeant. Elle avait violemment plaqué sa main contre ma bouche. Non, chut. On écoute ce que la fille du grand dirigeant a à dire et après on pourra s'enfuir comme un gros lâche en laissant sa vie Laura. On est encore tous les trois là, comme la première fois on s'est rencontrés. Aucun de nous trois n'avait remarqué la silhouette cachée dans un coin de la grande galerie. Et qui nous observait de ses six yeux? Avons-nous eu raison de leur faire confiance? Oui, nous avons eu raison. Non, t'en es sûr? Juré, craché! Oh, pardon. La fille, elle a trouvé le moyen de repousser les rats. Vous savez ce qui va se passer après? Oui, s'ils repoussent les rats, c'est pour les rendre plus forts encore. Patience! Ce n'est qu'une étape. Lorsqu'ils auront passé le grand trou, tous les trois ensemble, oui, les trois, Squeak, Booze et Mila, ils sauront qui ils sont, enfin, ils sauront... J'ai envie de pisser. D'accord, on rentre à la maison. Laissons-les grandir. Bah, les fouiches.